les journées sont de plus en plus courtes. C'est vrai, elles raccourcissent. Les feuilles sont de plus en plus jaunes. C'est vrai, elles jaunissent. Vos enfants sont de plus en plus grands. C'est vrai, ils grandissent. Mes cheveux sont de plus en plus blancs. C'est vrai, ils blanchissent. Tes frères sont de plus en plus gros. C'est vrai, ils grossissent.